Londine par Léon Allard. Tout au milieu de l'ombreux parc, l'étang, dans un fond verdoyant de terrain vallonné, s'étale, large miroir au cadre sinueux, dont l'immobile surface reflète, changeant d'aspect, le bleu du ciel, les nuées qui passent, les soleils des étés et les calmes splendeurs des nuits constellées. Alimentées par des sources claires, ces eaux d'une transparente limpidité, lorsqu'aucun souffle n'y traîne le réseau des mouvantes rides, laisse voir jusqu'au fond des scintillements de sable fin, de cailloux polis et de flottants ondoiements de vertes chevelures, longues et minces herbes qu'un insensible courant sans cesse agite, allonge et déroule. Au petit golfe où l'eau reste comme figée, les nénuphars étendent à plat leurs larges feuilles et par places, brodant d'étoiles humides et fragiles tapis, les fleurs mystiques et virginales ouvrent leurs corolles d'une immaculée blancheur. Les libellules, vertes, bleues, diamantées, s'y posent comme un bijou sur un sein nu, puis reprennent leur vol et font bruire leurs ailes de talc. Sous l'eau, de gros insectes, scarabées d'émeraude et d'or vert, nagent et se poursuivent, traçant de lumineux sillages, tandis qu'à la surface les flottantes araignées courent et se croisent, inquiètes et rapides, par élan saccadé. Au bras des berges, les roseaux balancent leurs touffes de panache, les iris dressent leurs lames de sabre, et les joncs mêlent leurs tiges flexibles et minces. Les bords, ceinturés de grands arbres, gardent toute la fraîcheur de l'eau sous l'ombre des peupliers. Des saules et des frênes pleureurs, des trembles argentés aux feuilles vertes dessus, blanches à l'envers, que le moindre vent remue en neigeuses ondulations. L'étang a son Ondine, Suzanne, 18 ans, grande, élancée, brune comme la nuit, merieuse et gaie comme un matin d'avril, et charmante dans sa grâce en mièvrerie de fille audacieuse et décidée. De tout le parc, l'étang est le lieu de prédilection de ses promenades. Elle le préfère aux profondes charmilles, à la vaste et toujours verte pelouse, au parterre fleuri de roses, de jasmin et d'œillets, aux bois incultes et sauvages, enguirlandés de ronces et de lierres. Et l'étang pour elle est sans mystère. Elle connaît les secrets même de ses profondeurs, car, par les chaudes journées d'été, où le soleil pèse sur la terre alanguie, elle aime livrer, intrépide nageuse, son souple et fin corps de vierge, la fraîche mollesse des eaux. En deux brasses, et l'eau semble amoureusement porter tant de grâce et de jeunesse, elle atteint le milieu de l'immobile nappe liquide. Là, prenant sa bague, perle fine montée sur jonc d'or, elle la jette. Attentive, elle suit des yeux l'anneau qui tourne, tourne, s'enfonce, lentement descend, comme à regret. Ce n'est plus qu'un point brillant, un scintillement fugitif, un vague reflet sous la verte transparence. Alors, d'un mouvement brusque, l'Ondine, le buste, dans toute sa grâce, subitement émergée, plonge. Deux petits pieds, rapides et blanches visions, comme de deux mouettes qui se jouent, battent l'eau. Un remous s'agite, tournoyant, qui vite s'efface en cercles agrandis, et sur la surface apaisée, doucement vaguée par une légère brise, nulle trace ne reste de la plongeuse disparue. Aventureuse nature, chercheuse du danger, elle trouve une inexplicable joie à se livrer ainsi, insoucieuse et souriante, à la perfide placidité des eaux profondes, dont le bourdonnement murmure aux oreilles des plongeurs, le chant de sirène qui promet facile et douce mort. Oh! Les quelques secondes passées sous l'eau, loin de tout et hors de la vie, la vive sensation d'existence irréelle, parmi l'étrange et le féerique du milieu liquide qui d'en haut teinte le ciel ou s'épand la lumière en reflets décomposés, où, sur l'argent du fond de sable, courent en ombre légère les ondulations de la surface. Là, sur ce fond d'argent, l'anneau jeté s'est posé doucement, son cercle d'or, aux yeux chercheurs de l'Ondine, apparaît, dans un indécis et vague rapprochement, élargi et grandi, et tel qu'une fantasmagorique et mouvante image, son contour s'agite, semble doué de vie, vouloir échapper à la main qui le va saisir. Mais, habile, d'un prompt mouvement, comme au passage elle cueillerait une fleur, Suzanne a pris la bague. L'élan de son corps, qui glisse obliquement sous l'eau, svelte et tendue, ne s'est pas arrêté, ne s'est pas ralenti. Aussi longtemps que sa jeune poitrine peut, sans renouvellement d'air, retenir le souffle vital, elle prolonge sa joie d'explorer les jardins, minuscules forêts, humides et fines prairies que forment, sur les fonds, l'emmêlement de flottants herbages. Par imprudence de jeu et de bravade de nageuse, confiante en ses rapides et souples mouvements, elle frôle à plaisir la dangereuse caresse des longues herbes minces, et s'est échappée à l'enlacement de ses vers échevaux déroulés. Mais la voix murmurante des eaux s'enfle et se fait menaçante. Teinte le glas à la vie qui palpite depuis trop longtemps privée d'air. Oh, l'air, l'air pur, l'air du ciel, la vie, le souffle! La plongeuse s'est redressée. Son pied nerveux repousse le fond. Elle s'élance, comme l'oiseau d'un coup d'aile. Et telle la nerf de Virgile, sa gracieuse tête émerge des eaux. Elle aime cette frêle intrépide, le danger pour le danger, pour le frisson délicieux qu'elle y trouve, et aussi, fille de race guerrière, pour l'orgueil de le surmonter et de le vaincre. Toujours et partout elle le cherche. Ce n'est pas seulement dans les eaux de l'étang où elle aime jouer avec la mort, c'est en maintes autres occasions, c'est par exemple dans ses courses folles à travers plaines et bois, sur sa petite jument grise, Saa, de race syrienne, ardente et nerveuse bête, ombrageuse et capricieuse à l'excès. De la piqûre de son éperon d'argent, du cinglement à sa fine cravache à pomme d'onyx, elle l'excite jusqu'à l'affoler, et cela, rien que pour le plaisir de se sentir livrée au galop d'emballement, de sa monture devenue indocile au frein, et pour la joie ensuite de la dompter, dût-elle, c'est le grand moyen pour s'en rendre maîtresse, forcer la jument en révolte à se lancer, comme le cerf au bois, en plein courant de la rivière. Belle et intelligente fille, mais comme on voit, tête folle. Ah oui, tête folle. Belle folie de jeunesse, de courage, de trop plein de vie, de sang généreux et ardent.